Alors bonjour et bienvenue aux amateurs de rock progressif à cette nouvelle émission de Rock de Neurones sur les ondes de C'est fou, le FM 89.1 à Trois-Rivières. Vous êtes en compagnie de Jimmy Farley pour les deux prochaines heures. Et durant ces deux heures, je vous propose Lunatic Soul de Pologne, Moon Garden d'Italie, Phoenix Again d'Italie, La Maschera di Sera d'Italie. On a un petit bloc dédié à l'Espagne avec notamment Cheetos Magazine, Cotabel et Ken Freud Kafka. Et on va conclure l'émission avec FM, je pense que c'est Toronto. On aura Agusa, une nouveauté de la Suède, et Leech de Suisse. Alors on débute ça avec le premier bloc de l'émission qui, à chaque semaine, est consacré à un album ce qu'on qualifie d'album de la semaine. Et nous avons aujourd'hui le cinquième album studio de Lunatic Soul. C'est un groupe polonais. Alors, ceux qui connaissent Riverside, savent que le chanteur Mariusz Duda, c'est le leader de Lunatic Soul. C'est un projet parallèle qu'il a. Et puis, ce cinquième album-là qui vient de paraître, il comprend 8 pistes. Et ça totalise 55 minutes, donc c'est un album assez généreux. Et je lisais dans la revue Prog, c'est une revue britannique, le mois dernier, que Mariusz Duda s'était payé un petit peu la traite. Je comparais avec Steven Wilson, qui a mentionné, juste avant de faire paraître plus récent album, qu'il s'était inspiré des sonorités et des bands des années 80. Mariusz Duda reprend ça. Et on va reconnaître surtout certaines sonorités des années 80, notamment les petits gadgets électroniques comme la batterie, entre autres. Alors, on va débuter ça. En fait, je vous propose 3 pièces de l'album Fractured. Ça va être Red Light Escape, A Thousand Shards of Heaven et Battlefield. Alors, on débute ça, Lunatic Soul. I'm locked in a room with no escape. No description, key, no clue how to begin. The countdown clock is on the wall. 4 digits have invaded my soul. Soothe the pain, my body hurts. Just take away what lies within. To forget, unlock my true addiction, set me free. Borderline is crossed again. I can't get beyond myself. 2 years of sobriety. I know I gave up, but I have to feel. Just put me to the test. It's time to play. Set me free. Borderline is crossed. lost again. I go beyond myself. What it's like when sorrow turns into strength. to feel what it's like when there's no screeches in my head. I want to feel what it's like when dreams of mine don't leave a mark on my battered heart. thousand shards of heaven, staring at the stars. A thousand shards of heaven, drinking coldness from the night. I collect my stars. I know. I'm moving on. I'm moving on. I'm moving on. I'm moving on. Alors, c'était Lunatic Soul de Pologne avec Battlefield. Ça, c'est extrait du dernier album Fractured. Et ça a été précédé d'un autre extrait du même album, c'est A Thousand Shards of Heaven. Et en début de bloc, ben, nous avions toujours du même album Fractured, la pièce Red Light Escape. Après la pause, un petit bloc italien. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurone. Avec Jimmy Farley. Alors, on vous propose un petit bloc de rock progressif italien. Ça va débuter avec Moon Garden. Moon Garden, qui a été un groupe actif entre 1994 et 2014, donc une dizaine d'années. Depuis 2014, depuis l'apparition du dernier album Voyeur, il n'y a pas rien eu d'autre. Alors, je vous propose un extrait de cet album-là. Et la pièce s'intitule « Barbiturates, Gentlemen ». Et ensuite, toujours d'Italie, je vous propose un extrait du nouvel album de Phoenix Again. C'est leur troisième. L'album s'intitule « Unexplored ». Et ce qu'on va entendre, c'est « The Day Will Come ». Et puis, pour conclure, bien, un de mes groupes favoris, c'est la Mascara di Chera, qui nous ont... en fait, gâté avec 5 albums entre 2002 et 2013. Et un de ceux que je préfère, ben, c'est Luxade, paru en 2006. Et je vous propose Un Senso all'impossibile. Alors, voici Moon Garden pour débuter. Satellite at my ears and ear, my ultimate goal. Made up my mind. I walk down that aisle into the red Blues of blues, oh yeah, tossing my gun with a grin. I say it truly is, it truly is. The smile of the chemist is just priceless to me. 6 o'clock now must rush through my mail. You know I don't need a care about the news. Well, my couch and my blanket are waiting for me. They say you should swallow justice, so I take five as usual. Through my meal, you know I don't really Del mio mondo segreti, le vaghe versioni di Dio. Ma tutto questo ora si perde nel vento, con questa anima stanca. Partire da zero. Alors, ce que vous venez d'entendre, c'est la Maschera di Cera, un groupe italien. Et la pièce qu'on a entendue, c'est Un senso all impossibile. C'est tiré de l'album Luxade qui est paru en 2006. Auparavant, nous avions aussi un groupe italien, Phoenix Again, qui par contre chantait en anglais. Et la pièce qu'on a entendue, c'est That Day Will Come, tiré de Unexplored, leur plus récent album, qui est paru cette année. Et en début de bloc, nous avions aussi un groupe italien, Moon Garden, qui lui aussi s'est adressé à nous en anglais, avec la pièce Barbiturates Gentlemen, et c'est tiré de Voyeur, qui est paru en 2014. Ceux qui veulent retracer le titre des pièces et les artistes qui ont passé à l'émission, bien, je vous invite à consulter la page Facebook de l'émission Rock de Neurones, et vous avez chaque semaine la playlist, ou ce que je pourrais, en fait, pour être plus francophone, la feuille de route. Alors, après la pause, un petit spécial espagnol. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, comme promis avant la pause, je vous propose un bloc spécialement dédié au rock progressif espagnol. Alors, quelle place prend le rock progressif espagnol dans le monde du rock progressif? Eh bien, je veux juste mentionner aux auditeurs que moi, personnellement, je compile une base de données depuis 4 décennies où, à chaque fois que je connais un nouveau groupe, je saisis ça. Et puis, aujourd'hui, bien, la base de données, elle totalise 18 756 groupes, dont 378, ce qui représente à peu près 2% de la scène du rock progressif international ou planétaire, je dirais, qui est occupé par le rock progressif espagnol. Ces 378 groupes-là se déclinent en 19 sous-genres. Là, on parle de crossover, expérimental post-metal, du jazz rock fusion, il y a du néo-prog, bien entendu, du crossover, du symphonique. Mais les deux sous-genres qui prennent pas le haut du pavé parce que c'est quand même assez bien réparti, mais le folk et le metal sont les deux sous-genres de rock progressif qui sont le plus présents en Espagne, avec respectivement 16% et 15% de la place. Donc, ça donne une idée qu'il reste 70% pour les 17 autres sous-genres. Alors, les groupes qu'on connaît bien, tout ça a débuté dans les années 70, peut-être pas débuté, mais Triana a été pas mal le précurseur dans tout ça. On a eu Amarok, on a connu Galadriel aussi, plus récemment, bien, Amoeba Split, Atavismo aussi, Fruteria Tony, Guadalquivir, Iman Califo Independente et Exquirlia. Et ce qu'on aura à vous proposer, ben, c'est les trois groupes suivants, c'est Cheetos Magazine, Cotabel et Canfreud Kafka. Cheetos Magazine, c'est assez récent, ça occupe le marché, en fait, depuis 2014. Et puis, c'est l'album Boiling Falls, qui est le premier de deux, dont je vous propose l'extrait. Ce titre, Octopus Soup. Et il y a le groupe Cotabel aussi, qui est un groupe assez récent. Quoique plus ancien que Cheetos Magazine, Cotabel, qui nous a sorti un récent album, Cosmologie. Ça va être de cet album-là que j'ai tiré la pièce Mechanical Universe. Je rappelle que Cotabel a quand même 7 albums depuis la fin des années 90. Et pour clore le bloc, eh bien, j'ai Canfreud Kafka, qui aussi est un groupe assez récent avec 2 albums studio. Et je vous propose une pièce extraite de leur premier album « No Tengas Miedo ». Et la pièce, c'est Hombre. Alors, on débute ça avec Cheetos Magazine. We'll be right back. Thank you. Alors, c'était Kant, Freud, Kafka, d'Espagne, avec la pièce Hombre. Ça, c'est tiré de l'album No Tengas Miedo, paru en 2015. Et ça a été précédé d'un autre groupe d'Espagne, du nom de Cotobel, et la pièce titre de l'album Cosmologie, ce qui se trouve être une nouveauté. C'est assez récent. Et en début de bloc, nous avions aussi d'Espagne Cheetos Magazine et la pièce Octopus Soup, tiré de Boiling Falls, qui est paru en 2014. Après la pause, FM, Agusa et Leech. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurone avec Jimmy Farley. Alors, nous voici donc rendus au dernier bloc de l'émission et on va débuter ça avec un groupe canadien qui vient de Toronto. Le groupe se nomme FM. C'est un groupe qui a été actif une dizaine d'années entre 1977 et 87 avec 6 albums studio. Et ils ont eu une longue éclipse jusqu'en 2015 où ils sont revenus et ils ont proposé un nouvel album qui s'intitule Transformation. Et c'est tiré de cet album-là que je vous propose la pièce Tour of Duty. Et ça va être suivi d'une nouveauté de la Suède. En fait, c'est le nouvel album Agusa, du groupe Agusa. C'est l'album homonyme. Et je vous propose Bortom Hemon. Et on va conclure l'émission avec un groupe de Suisse, avec un style de rock progressif qu'on ne fait pas jouer souvent à l'émission. C'est du post-rock, math-rock. Alors, ce groupe-là de Suisse, du nom de Leech, ils ont proposé 4 albums studio et c'est un extrait du dernier album paru en 2012 et l'album s'intitule « If we get there one day, would you please open the gates » et la pièce c'est « Gravity Head ». Alors on débute ça avec FM de Toronto. Thank you. Thank you. Alors, c'était le groupe suisse Leech avec la pièce Gravity Head. C'est extrait de leur quatrième et dernier album paru en 2012, If We Get There One Day, Would You Please Open the Gates? Et ça a été précédé de Agusa avec la pièce Bortom Hermon qui est extrait de leur plus récent album, l'album homonyme Agusa. Et en début de bloc, nous avions de Toronto le groupe FM et la pièce Tour of Duty tirée de Transformation. Alors ça met fin à la programmation musicale de l'émission d'aujourd'hui, puis ça clôt aussi la saison 2017. L'émission Rock de Neuron va prendre des vacances et on vous revient après le relâche des fêtes, donc vers le 15, ou en tout cas la date sera précisée et vous pourrez consulter la page Facebook de l'émission pour la date exacte. Et avant de terminer aussi, j'aimerais vous rappeler que l'émission d'aujourd'hui est en rediffusion les dimanches de 10h à midi et les mardis de midi à 14h. Ça, c'est toujours sur les ondes de C'est fou, le FM 89.1. Et aussi, l'émission de la semaine courante est disponible sur Internet via SoundCloud. Alors, vous n'avez qu'à rejoindre le site web SoundCloud et dans la barre de recherche, eh bien, vous tapez Rock de Neuron pour accéder à l'émission. Et aussi, pour les détails des pièces, les albums, les artistes qui ont passé durant l'émission, bien, vous avez tout ça sur la page Facebook de Rock de Neuron. Et en plus, sur cette page, vous avez un lien qui vous amènera sur archive.org où vous retrouverez 108 émissions archivées. Ça retourne jusqu'en 2014. En fait, petite note ici pour préciser que Rock de Neuron est rendu à 176 émissions et on fêtera nos 5 ans le 18 février 2018. Alors sur ça, je vous souhaite de passer de très belles fêtes et de nous revenir en pleine forme pour une nouvelle émission de Rock de Neuron vers le milieu de janvier.